Une question. Vous ne pensez pas qu'il y a tout de même une part de marché dans le moment qui devient propice pour la mise en commun? C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas assez de moyens pour clôturer son terrain, pour parler de foncier, et qu'il n'a pas les moyens d'avoir une tondeuse, et qu'il a le mouton du voisin, c'est une forme de mise en commun et d'échange qui peut paraître équitable à un moment où la mise en commun est en quelque sorte de l'ordre de l'intérêt commun. Mais c'est-à-dire qu'en fait, si il n'y a pas cet intérêt commun, peut-être que la mise en commun ne trouve pas une raison en soi purement idéologique, et que ce serait finalement la jonction d'une conception idéologique, mais aussi de circonstances, à la fois de moyens, de besoins, de ressources, hein, comme vous avez dit, et des besoins qui peuvent être finalement générateurs de nouvelles ressources, ou alors au contraire, des ressources génératrices d'amoindrissement des ressources. C'est-à-dire que parfois les échanges, on pourrait donner des exemples plutôt de l'ordre de la propriété intellectuelle, ou parfois protéger une propriété intellectuelle devient tellement exorbitant et sans intérêt finalement qu'il est plus rentable, entre guillemets, de mettre en commun et de générer par-delà des échanges qui font richesse, qui font ressource. Alors, je ne sais pas. De l'autre côté, l'aspect mise en commun qui pourrait être en deçà de la gestion de l'État, ça me paraît un niveau qui peut être régulé par l'État, mais pas nécessairement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des régulations locales en même temps. Je ne sais pas si je comprends plus dans ce que vous dites. Je voudrais insister sur un point, parce que c'est pas une réponse directe, mais je pense que ça en est une quand même. Ce couvre le commun, c'est que enfin, on a autre chose que où la propriété exclusive et l'organisation marchande autour de la propriété exclusive typique du néolibéralisme, où le tout socialisé, le tout État et l'exclusivisme d'État. Bon, alors, vous voyez, c'est pas une réponse directe, mais c'est quand même une réponse. C'est pour dire ce qu'apporte le commun. Allez, je vais le dire exactement comme je le pense. C'est que on a enfin une réponse à la chute du communisme après le mur de Berlin. Voilà. Hein, parce que quand on dit ah le néolibéralisme c'est pas bien, etc., hein, on dit c'est bien, c'est pas bien, vous voulez quoi? Alors maintenant on peut commencer à penser et dire on veut une société organisée autour du commun, des communs, voilà. Alors qu'avant on n'avait rien à dire, parce qu'on n'allait pas dire on veut l'Union soviétique, hein. Bon, d'accord. Bon, voilà. Donc, je réponds en partie à votre question. Le point, disons, parce que j'avais dit que j'allais parler des communs et de l'alternative sociale. Bon, le commun est une forme d'organisation qui permet l'accès partagé, qui permet la gestion intelligente des ressources, qui permet la démocratie et qui permet de construire un nouveau narratif sur le fait de fabriquer des destins collectifs. Et on avait perdu ça. Voilà. Moi, j'ai peut-être une question. Oui, c'est oui. Parce que donc, j'ai cru comprendre que ce qui était un des éléments qui était vraiment important dans le passage d'un bien commun à un commun c'est ça. Et alors, mais peut-être que la question est purement lexicale, mais vous avez parlé de mode de gouvernance. Et je me suis demandé sur le moment pourquoi pas mode de gouvernement ou même d'administration. Oui. Est-ce que c'est un terme qui a une importance non, ou pas? Non. Pour moi, c'est parce pas... que ça vient de l'anglais. Les Anglais d'accord. parlent de governing, structure, etc. Mais vous dites un mode d'administration, un mode de gouvernement. Pour moi, à ce niveau-là, il n'y a pas d'enjeu. Il faut simplement simplement que ça soit administré. Voilà. Cueillir du droit pour... Et cueillir de l'arbitrage sur les conflits d'intérêts. C'est surtout ça qui est important. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des communs qui disparaissent. Par exemple, voilà, je n'ai pas donné l'exemple de la pêcherie et des nouveaux bateaux, etc., pour rien. Parce que Ostrom décrit une situation dans laquelle il y avait un commun qui marchait, et puis à partir d'un certain moment, il y a eu des innovations sur des filets qui permettaient de prélever beaucoup plus de poissons dans le cadre des droits alloués. Les commoners n'ont pas été capables d'imposer aux plus riches qui étaient capables d'acheter ces filets des nouvelles règles. Le commun est mort. C'est l'administration des ressources, mais c'est l'administration des conflits d'intérêts qui peuvent apparaître. Ouais. Ce que vous venez de dire est très intéressant, parce que ça porte la question des limites du commun. Bien sûr. Et peut-être de la question du droit. Bien sûr. Parce que si on est une petite communauté sur un territoire de pêcherie où on est là depuis même des générations, si des gens arrivent de l'extérieur avec des moyens technologiques bien supérieurs aux nôtres, parce que nous n'avons pas eu besoin de développer nos moyens, parce que ce que nous faisons nous suffisait pour vivre, comment faire entendre raison à des gens qui n'ont pas la même loi que nous, qui l'ignorent ou qui de toute façon ne l'endosseront pas puisqu'ils ne feront pas partie Oui, vous avez tout à fait raison. Voilà pourquoi il y a une ancienne d'Ostrom, avec laquelle moi je suis en désaccord et que je n'ai pas reprise, qui consiste à dire les communs sont une troisième voie entre l'État et le marché. C'est une absurdité, ça. C'est une absurdité complète. Pourquoi ? Pour la raison que vous dites. Parce que si les règles que s'est fixé le commun ne peuvent pas, et qui sont des règles issues de l'expérience, de l'usage, de la raison, j'ai envie de dire, ne peuvent pas être, comme on dit en anglais, enforced, c'est-à-dire imposées non seulement aux riverains, mais à tous les autres, le commun, il meurt. Donc, je veux dire, il y a une relation entre le commun et la force publique qui est une relation d'intimité à partir d'un certain point. D'accord ? C'est très paradoxal, parce que d'un côté, les règles du commun sont pour l'essentiel des règles émergentes que les communautés auto-instituent, mais il faut, c'est un des design principles, ce que Ostrom appelle les design principles, c'est les règles qui font que les communs sont durables. Une des règles qui fait que un des principes qui font que le commun est durable, c'est que la règle émergente, quelque part, elle est institutionnalisée et elle s'impose à tous. À défaut, elle va être balayée. Je vais vous donner un dernier exemple. Parmi les communs qu'on étudie, il y a une prud'homie de pêche à Sanary. Ça existe dans toute la Méditerranée. C'est quoi ça ? Il y en a une à Sanary, il y en a une à Marseille, il y en a une à Ajaccio, etc. C'est quoi ça ? C'est les communautés de pêcheurs locales qui connaissent leur domaine maritime et qui ont défini des règles de prélèvement. D'accord ? Et qui arbitrent en cas de conflit. C'est pour ça que c'est une prud'homie. Vous voyez, il y a un aspect tribunal professionnel. Bien. OK, donc ça marche. Et ils nous ont raconté, parce qu'on travaille avec eux, ils nous ont raconté qu'il y a 30 ou 40 ans, ils ont eu un énorme problème avec les Catalans qui avaient des problèmes de pêche et qui ont débarqué là avec des techniques de pêche complètement différentes, etc. Et qui ne voulaient pas respecter les règles de la prud'homie. Eh bien, ils nous ont dit, on a eu un an ou deux absolument terribles où ils ont fait bataille rangée. C'est-à-dire qu'ils allaient attaquer les bateaux des Catalans. Attendez, parce que le principe, c'est vous pouvez pêcher tout ce que vous voulez, mais il faut respecter les règles. Sinon, vous allez détruire la ressource. D'accord ? Bien. À la fin, donc, ils ont pu s'appuyer sur aucune police, entre guillemets, externe. Ils se sont appuyés sur eux-mêmes. Et ils ont fait plier les Catalans. Et donc, les Catalans ont finalement accepté les règles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Heureusement qu'il y a eu les Catalans. Évidemment, pourquoi ? Ils disent parce que la démographie de la pêche dans le bassin était telle que la prud'homie serait morte. C'est aujourd'hui les Catalans qui font vivre la prud'homie. Alors là, on est assez proche de la vision d'Arnaud et Laval sur voir en fait le monde entier constitué à partir d'une organisation communale. Parce que là, je suis plus réservé. Là, je dis simplement que on a ici un commun qui n'est pas réservé aux riverains. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que les règles sont définies comme des règles d'usage pour l'universel. Mais l'universel doit s'y plier. Sous peine de quoi le commun meurt. Voilà. C'est ça que je trouve intéressant dans ce cas, c'est que souvent on dit « Ah oui, mais le commun, c'est pour la communauté. » Non, ça dépend des cas. Le commun, il a la compétence et la qualité pour définir des règles, mais ces règles ne sont pas nécessairement pour lui. Vous voyez ? Voilà. Voilà, un parc naturel, hein, il peut être géré par les commoners, les résidents du parc, mais les règles, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour tout passager qui vient fréquenter le parc. Christian. Pour savoir si j'ai bien compris le que tu as donné, deux exemples, est-ce qu'ils rentrent dans le cadre, disons, du concept. Le premier, c'est les invasions de terres brésiliennes, mexicaines dans le XXe siècle. Et la construction de quartiers urbains géants qui se gèrent, tant bien que mal, qui se négocient avec les autorités, etc. Est-ce que c'est un commun ? Deuxième question, un système de sécurité sociale. Il me semble que les trois critères que tu as évoqués s'y appliquent admirablement et se joindraient à ce moment-là à l'analyse que tu et que vous proposez avec les travaux de Castel, par exemple, sur la sécurité sociale, c'est la propriété de ceux qui ne l'ont pas. Oui, oui. Alors, j'ai envie de dire que dans les deux cas, le diable est dans les détails. Donc, premier cas, Mexique, je connais moins, Brésil, je connais mieux. Oui, bien sûr. Hein, dans toute une série de cas, l'occupation de terres, etc., ou l'organisation, hein, bon, obéissent absolument aux règles du commun. Oui. Mais encore une fois, c'est dans les détails, c'est-à-dire ensuite il faut vérifier si c'est bien du commun et s'il n'y a pas une mafia derrière qui tire de ficelle, quels sont les rapports avec les autorités régionales, locales, mais en principe, oui, des communs peuvent surgir tout à fait comme ça. Alors deuxièmement, sur la sécurité sociale, etc., est-ce que c'est un commun là encore, il faut voir dans les détails. Et je veux dire, là encore, le diable est dans les détails. Pourquoi ? Parce que c'est certainement, en plus, c'est très bien, hein, que tu poses cette question, je vais te dire pourquoi, parce que c'est certainement ce que partage le commun et la sécurité sociale, bon, sur un plan conceptuel, c'est l'idée du mutualisme. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des ressources partagées, soit sous une forme d'administration à travers des règles publiques, soit sous une forme de règles émergentes et gérées par les commoners. Donc, oui, on a absolument raison de poser les questions que tu poses. La réponse, elle est un peu plus compliquée. Il faut aller regarder comment ça fonctionne. Mais, je trouve que ces questions sont d'autant plus pertinentes, si je peux dire, que nous-mêmes, le nouveau projet de recherche qu'on est en train de lancer, puisque celui-là est fini, si je peux dire, c'est sur le thème commun et entrepreneuriat. Et donc, ça s'appelle entreprendre en commun. Et justement, on essaye de penser comment les formes coopérativistes, mutualistes, etc., sont compatibles, se marient avec, épousent, etc., le commun et le principe du commun. Donc, oui. Oui, les systèmes de sécurité sociale entrent évidemment dans cet univers. Hein, dans les deux cas que j'évoquais, je ne veux pas être trop long, mais dans les deux cas que j'évoquais, il y a des formes de bureaucratisation, oui, qui sont intrinsèquement inscrites en quelque sorte, oui, dans le processus de constitution de ces communs, oui, qui les rendent moins sympathiques que les communs de Nardo, par exemple, mais qui sont qui font partie jeu historique de stabilisation, de perpétuation, disons, de pérennisation, oui, de droits collectifs. Oui, mais c'est pour ça que l'examen du bundle of rights, c'est-à-dire quels sont les droits qui sont délégués à de l'administration, par rapport à des droits qui sont directement exercés par les collectifs de commoners, est une question qui n'est pas une question de détail. Hein, parce que, suivant la nature du bundle of rights, on va être dans du commun ou on va être dans du bien public administré. C'est pas pareil. C'est pas forcément plus mal. Hein, je fais pas un ordre de valeur. Mais je dis que, conceptuellement, on n'est pas dans les mêmes univers. Hein. Je veux dire... un bien public administré par la puissance publique au nom de la collectivité et la collectivité qui fabrique et qui gère son commun, c'est pas pareil. Voilà. Parce que c'est par exemple parce que l'hôpital agit au nom de la collectivité qu'il peut privatiser les bases les biobanques. Bon. Donc ça importe. Je voudrais savoir quelle importance ça a pour vous de limiter le commun à la ressource. Et du coup, pourquoi ne pas pour attendre le concept par exemple de l'entreprise. Et du coup, en filigrane, qu'est-ce qu'une ressource pour vous. Et est-ce que la sécurité sociale, c'est une ressource ou pas. C'est précisément parce que je crois que, enfin, voilà, pour moi, un concept, ça sert à désigner des choses qui sont de nature différente. Bon. Une entreprise, même coopérative, en aucun cas n'est un commun. Elle peut être extrêmement sympathique. Vous voyez, ce matin, je rencontrais les gens de Coopanam, qui est une coopérative d'activité d'emploi. C'est vraiment des gens formidables. Bon, mais ils ne font pas un commun. Ils font une coopérative. Hein. Pourquoi ? Parce que même dans la coopérative la plus magnifique de la planète, et celle-là en est une, hein, Coopanam, vraiment, franchement, c'est... Voilà. Ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder ce qu'ils font. On est dans une relation salariale. On est dans une relation de subordination. Parce que c'est le cœur de la relation salariale. C'est le cœur de l'entreprise. Alors, ensuite, on peut se donner des garde-fous multiples, assurer la représentation des salariés, dans le, etc. Mais on est dans la relation. Bon. Les commoners, dans la quasi-totalité des cas, ce sont des travailleurs libres associés. Donc, on a intérêt à avoir des concepts différents pour désigner des réalités différentes. Voilà. Et ces travailleurs libres associés, ils sont associés par quoi ? Par l'accès et l'utilisation d'une ressource. Voilà pourquoi travailleurs associés et existence d'une ressource à laquelle ils sont connectés sont des concepts loin, si je peux dire. D'autres questions ? Ben, du coup, ça rejoint un petit peu les deux dernières questions, mais c'était plus par rapport aux thèses de réseau salarial et d'entreprise. Notamment, en fait, c'était quasiment la même sur le fait que l'entreprise est un commun. Non. Et c'est non. Plus pour moi, c'est définitif. Mais du coup, je vais reprendre sur la coopérative. Il n'y a plus de lien de subordination à partir du moment où c'est un commun. Dans les vraies coopératives, après, il y a toujours des problèmes dans la réalité des coopératives qui existent, mais... Justement, la base du coopératif, c'est d'essayer de supprimer ce lien de subordination. Elle proclame ça, mais sa constitution juridique, c'est le salariat. Bon, donc, et le salariat, le propre du contrat de travail, c'est un lien de subordination. Bon. Et c'est d'ailleurs la raison, parce que vous dites, ah oui, mais ça arrive que, etc. Non, c'est le contraire. Il est exceptionnel qu'une coopérative puisse conserver l'idéal coopérativiste initial. Et parce que j'ai pas envie, j'ai rien contre les coopératives, je suis même plutôt avec ça, mais parce que non seulement le verre est dans le fruit, mais bien davantage que ça. La constitution, c'est une constitution construite sur la subordination. D'accord ? C'est pas le cas des communs. Et du coup, c'était pour avoir un petit peu de point de vue par rapport à ça, en mettant à l'intérieur de la proposition, dans le sens où vous avez évoqué donc, la structure de gouvernance, ça pourrait être en fait les différentes caisses de Proposprio, des caisses d'investissement, de décisions politiques, donc globalement, je ne sais pas si vous pouvez... Non, ça c'est encore autre chose. Enfin, comme je comprends la question, hein, peut-être qu'il faut plus de temps, mais comme je comprends la question, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que, alors, c'est la question de... on a des communs. Si on veut en faire un projet collectif, on fait comment ? Bon, alors là, pour le moment, moi, j'en suis à des propositions de type bon, qui figure d'ailleurs dans le bouquin, hein, dans les derniers chapitres du bouquin, pour avancer dans cette direction, le point d'arrivée, je ne le connais pas. Hein, le point d'arrivée, je ne le connais pas. Hein, on est en mouvement, c'est déjà pas mal. Hein, bon. Je suis assez sur des propositions de type maison des communs, assemblée des communs, territoriale, professionnelle, etc. De manière à commencer à socialiser, si je peux dire, cette énergie, ces valeurs, cette vision, au-delà des communs particuliers. Voilà. Alors après, ça, ça va nous donner quoi comme forme d'organisation de la société, quoi comme État, j'en sais rien. Mais voilà, il faut des assemblées de communs, il faut des maisons de communs, il faut des... Voilà.